j'empoche l'oseille quand tu t'endors. De 8h à 20h, je te dis et ramasse l'or. Je me branle de mettre ma créativité à mort. Si je peux transformer la merde en or, alors j'adore. Car j'ai plus d'élégance que toi, petit connard. Bouffe ton carambar quand je déguste du caviar. Original, c'est pas la façon dont je vois l'art. Mais je nourris les ados à vide de radas qui passent tard le soir. Clara Morgan, je l'ai lancée dans la musique. Elle garderait pourtant sa dignité. Recycleur de starlet pour l'avenir de la planète. J'ai compris avec le temps que les artistes ne sont pas nets. C'est mauvais, vous je vends. Seuls kids achètent maintenant. On signe si, si et seulement si. Tu te plies, tu te ranges dans mes rangs. Mens sur toi, sur ta vie, rien à foutre tant que ça rentre. Achète ma musique. Le talent des artistes est pour nous anecdotique. Donc achète ma musique, mais achète ma musique. Rien ne peut me toucher, je me fous, que ce soit merdique. Achète ma musique. C'est toi qui es pathétique en achetant ma musique. Non, mais achète ma musique. Chaotique que je me fais du fric. Inividi Vici, j'aime ta plastique divine. Je fais rimer sans honte ta voix et ta poitrine. Le fond a touché le fond et tes formes se dessinent. Sur des milliers d'albums, dis-moi où est le crime. Ma poule a des œufs d'or, je ne fais pas l'égorger. Public visé, ciblé, criblé d'absurdité. J'ai besoin de ton blé, son odeur est sucrée. Sa saveur est meilleure quand le travail est bâclé. Aussitôt dit, aussitôt fait, c'est du gâteau, ça sonne ghetto. Rajoute la crème pour les nantis qu'ils fassent tourner à porte-maillot. Je t'explique la recette pour faire du son frais. Silicone dans les fesses, testo dans les biceps. Un thème pas trop fouillé, rime pas trop affûté. Le public n'est pas futé, il ne faut pas l'oublier. Voilà c'est cuit, pas de QI, mais un cul bien arrondi. À servir frais dans l'euphorie, y'a la foule qui applaudit. Achète ma musique, le talent des artistes est pour nous anecdotique. Donc achète ma musique, rien ne peut me toucher, je me fous, que ce soit merdique. Achète ma musique, c'est toi qui es pathétique en achetant ma musique. Non, mais achète ma musique, mais achète ma musique. C'est sur tes oreilles chaotiques que je me fais du fric. Je vais tourner ma musique pour que tu finisses par l'aimer. À la radio, à la télé, même dans ton supermarché. Tu la renies, tu veux la fuir, mais elle finit par s'incruster. Y'a du Leslie chez tes amis, à chacune de tes soirées. Moi, R&B, Evangeli, tu commences à apprécier. Du son pourri, t'es mon zombie, prends donc ma main, viens danser. Dans la ronde des moutons, tu souris, t'es à l'aise. Je profite de ce monde, de l'avancée culturelle. Cercle vicieux d'un dieu devenu indétrônable. Seul j'ai le pouvoir de t'inclure dans la spirale. 6 mois de notoriété, expulsion programmée. Pour le reste de tes jours, tu pleureras ta gloire passée. Achète ma musique, donne-moi ta monnaie. Regarde encore mon clip, même si c'est mauvais. Achète-la, ouais, s'il te plaît. Puis oublie-la pour ma nouveauté. Achète ma musique, le talent des artistes est pour nous anecdotique. Donc